Deuxième partie, chapitre 4, le père et le mari. Adrienne, lorsque Jean-Robin se fut éloigné, demeura longtemps à la même place, balbutiant vaguement une de ces prières qu'on lui avait apprises dans son enfance et qu'elle répétait pour occuper ses lèvres. Mais c'était lui qu'elle voyait encore, elle l'entendait. Une étrange hallucination s'emparait d'elle. Les années qui venaient de s'écouler n'existaient plus, ils n'avaient jamais été séparés. Elle était sa femme et il s'adorait dans une contemplation de tous les instants. La femme de chambre qui entra la ramena soudain à la réalité. « Monsieur le comte, » commença la soubrette, « dites à monsieur le comte que je ne suis pas visible, » interrompit-elle presque avec violence. Alors, elle s'apprêta pour une autre bataille. Elle chercha des mots, des résolutions farouches. Quelques minutes plus tard, elle frappait à la porte du cabinet de son père. Bonheur eut un geste d'ennui en la voyant entrer. « Qu'est-ce qu'elle va encore me demander ? » grommela-t-il entre ses dents. Mais il demeura stupide lorsque, ayant tendu la main à sa fifille, Adrienne garda la sienne, implacable et glaciale d'attitude. « Oh oh ! » fit-il. « Qu'y a-t-il donc, mon enfant ? Comme te voilà solennelle et gourmée ! Comment ? « Tu me refuses ta main ?»« Oui, monsieur, » articula-t-elle nettement. « Monsieur ? Ah ça, que signifie ?»« Cela signifie que je viens d'apprendre des choses monstrueuses et que je vous en demande compte. Cela signifie que je veux savoir quel misérable a supprimé les lettres que Jean-Robin m'écrivait et celles que je lui adressais. »« Les lettres ? » balbutia-t-il en pâlissant. « Quelles lettres ?» « Répondez, mon père. Est-ce vous ? Si ce n'est pas vous, cherchez avec moi le voleur qui a fait le coup, car celui-là m'a lentement et lâchement assassiné. »« Mais je t'assure, tu te trompes, voyons. »« Mon père, Jean-Robin sort de chez moi. »« Répondez, est-ce vous ?» Il eut un flot de colère brutale et, assénant un coup de poing sur la table de travail, il se leva d'un bond. Jean-Robin sort de chez toi ? Que veut-il celui-là ? S'imagine-t-il, parce qu'il a gagné quelques sous dans de louches tripotages, qu'il va venir faire la loi chez moi et jeter le trouble chez les honnêtes gens ? Ah bien, il en a du toupet par exemple, que je le vois moi, et je te fiche mon billet que je lui ferai descendre l'escalier plus vite qu'il ne l'a monté. C'est parvenu, il n'y en a que pour eux. Parce qu'un ministre lui a donné le bras, il croit qu'il est tout permis. Son argent, je m'en fous, tu entends ? Qu'il s'attaque à moi s'il l'ose, j'ai encore les reins solides et je lui ferai toucher terre. » Il ne voyait plus en Jean-Robin que le financier comme lui, l'homme de l'or qu'il jalousait et redoutait, persuadé que l'ancien petit architecte allait chercher à se venger à coups de bourse. Adrienne l'écoutait à peine et encore une fois, la même question obstinée sortit de ses lèvres tremblantes d'indignation. « Est-ce vous qui avez fait le coup ?»« Quel coup ? » s'écria-t-il, congestionné de rage. « Ah oui, tes lettres, les siennes, tu veux savoir qui les a arrêtées ? Eh bien oui, c'est par mon ordre, c'est moi. Et puis après ?» Il s'arrêta, recula, effaré, blanche et terrible. Sa fille avançait sur lui. « Après, monsieur ?» Après ? Vous n'avez plus de fille. Après ? Mais vous n'avez pas de conscience. Mais vous avez donc un misérable écu à la place du cœur. Vous avez commis un acte ignoble. Et s'il n'y a pas de loi qui punisse des crimes de cette nature, vous n'en méritez pas moins le mépris et la haine de tous ceux qui, comme vous, n'ont pas l'âme atrophiée par le métal imposteur. Après ? Comme vous avez dû rire en vous-même, n'est-ce pas ? Vous condamniez votre fille aux pires tortures. Vous réduisiez au désespoir l'homme le meilleur, le plus délicat, le plus loyal. Mais qu'importaient les larmes de votre enfant et ses larmes à lui ? Votre caisse était sauve. La caisse. Voilà ce qui vous tient lieu de tout. Amitié, tendresse, affection paternelle, honnêteté, tout ce qui est bon. Tout ce qui est la vie se résume pour vous dans ce mot. votre caisse. Soyez donc satisfait et que votre œuvre soit complète. Paris saura demain que, pour épargner un peu de son or maudit, le banquier Bonnaire a risqué de tuer sa fille. Mais il y a une justice, monsieur. Vous ne vous en doutez pas. Il y a une justice dans les choses. Vous souffrirez un jour. Gavé, repu d'argent, vous chercherez peut-être autour de vous une affection, un regard de sincère amitié, et vous mourrez seul dans l'ignominie de votre or infâme. Adieu. Vous n'avez plus de fille. Adrienne, Adrienne, où vas-tu ? S'écria le misérable affolé. Où je vais ? Rejoindre celui qui est mon époux selon mon choix et mon cœur, me mettre sous sa protection, jusqu'à ce que la liberté me soit rendue par les lois. Je vais retrouver l'homme à qui je n'ai cessé d'appartenir, alors que vous me vendiez à... Permettez, madame. Disons les choses comme elles sont, fit à ce moment une voix dure et railleuse. Vous allez rejoindre le milliardaire Jean Robin, alors que je suis ruinée. Il ne vous suffit plus d'être comtesse. Vous voulez être reine. La reine de la pierre. Et le comte de Charmeuse s'inclina avec une politesse affectée, mordillant sa moustache, gardant son éternel sourire stéréotypé sur les infamies qui se pressaient au bord de ses lèvres. Il était arrivé au cabinet de Bonnaire en même temps que la comtesse, il avait tout entendu, avait rapidement calculé que le départ de sa femme consommait sa ruine définitive, qu'un divorce le couvrirait de honte et l'acculerait au suicide, et il était là, décidé à défendre jusqu'au bout ce qu'il appelait son bien. « Parbleu, Roger, vous tombez à pic !» s'écria Bonnaire, inconscient de la situation, heureux de ce secours qui lui arrivait. « Vous ?» s'exclama Adrienne, en se retournant vers le comte comme une lionne blessée. « Vous ? Et vous venez, en mâchonnant d'immondes insultes ? Vous parlez du milliardaire Jean Robin. Vous faites erreur, monsieur. » Il n'y a pour moi que Jean, le pauvre Jean, qui fut sacrifié à votre rapacité et à vos appétits de dévorant. Il n'y a pour moi que l'homme, aimé toujours, l'homme dont je porterai aujourd'hui le nom, si mon père ne m'avait odieusement trompé. Mais je ne vous apprends rien. Peut-être avez-vous aidé à cette besogne misérable, monsieur le comte, car il vous fallait de l'argent. De l'argent pour payer vos dettes de jeu, pour entretenir vos maîtresses, pour vous permettre de tenir à Paris votre rôle de noble gueux. Je vous regarde et je me demande lequel de vous deux est le plus digne de mon mépris. Osez donc parler d'argent, voyons. Elle haletait. Une lueur de folie passait dans ses beaux yeux. Sous l'orage, le comte de Charmeuse avait d'abord baissé la tête, puis cynique, froid, intrépide dans l'impudence, comme Adrienne l'était dans sa superbe révolte, il parla posément. Rétablissons les faits. Vous étiez enceinte. J'avais besoin d'argent. Votre père m'a proposé une affaire, un marché, troc pour troc. Mon nom et ma couronne comtale, contre une somme dont je n'ai touché que la faible moitié. Vous êtes fille de financier. Vous devez donc un peu connaître l'arithmétique. Tout au moins, devez-vous avoir cet atavique honnêteté commerciale qui doit vous tenir d'une lignée d'honnêtes spéculateurs. Vous savez donc ce que c'est que le « doit » et « l'avoir ». Faites votre balance, madame. Établissez votre bilan. Voici le mien. Je vous ai souscrit un billet. J'ai payé en vous donnant mon nom, en reconnaissant et en faisant même élever près de moi un enfant qui n'était pas le mien. À vous de payer votre dette. Mais voilà, vous trouvez plus simple, au moment psychologique, de vous dérober. » Il se promenait à petits pas, regardait en dessous la comtesse, et chacune de ses paroles avait une intention violente de dédain nobiliaire pour la fille roturière des financiers et une expression d'insulte qui eût fait bondir Bonnaire, sa grosse patte levée, si le banquier avait eu le moindre sens de pudeur ou de paternelle fierté. Le comte reprit, résolu à établir ses droits, et au besoin à profiter de la situation. Le divorce demandé par vous serait une banqueroute, madame. Par Dieu, ce serait trop simple en vérité. On cherche un bon jeune homme, naïf à souhait, porteur d'un beau nom. On l'attendrit sur les malheurs d'une pauvre petite innocente trompée par son amant, abandonnée, trahie. On lui demande de couvrir de son honorabilité la chute de la petite. Au besoin, le bon jeune homme aura quelques duels, risquera sa vie. Il consent. Loyalement, il se donne, accepte tous les sacrifices d'amour-propre. Il épouse. Pendant des années, il n'a pas un mot, pas un regard, pas un geste qui puisse rappeler son passé à la femme. Il l'entoure de respect, il force le monde à s'incliner sur son passage. Il tait ses douleurs intimes, ses révoltes. Il n'avoue jamais que peut-être on eût dû lui faire l'aumône d'un sourire plus doux, d'un regard moins froid. Et lorsque l'amant reparaît, on dit au beau jeune homme « En voilà assez. Vous avez très bien joué votre rôle, merci, vous pouvez vous en aller. Il suffira d'un petit divorce pour vous jeter dehors. » Je ne sais pas de quoi est faite votre honnêteté, madame. Quant à la mienne, elle répugne à de pareilles solutions. « Rouget mille fois raison !» s'exclama en soufflant le banquier. Adrienne s'approcha du comte, le toucha à la poitrine du bout de son doigt, et de sa voix qui flagelle, elle lui dit « Vous êtes un excellent comédien, monsieur. Tout ce que vous venez de dire pourrait peut-être me donner à réfléchir si le mensonge ne se lisait ouvertement sur votre front, mais toutes vos paroles n'ont qu'un but. Il vous est dû 2 millions. Monsieur Bonner se refuse à vous les donner. Mais moi, je me charge de vous payer. Vous m'avez fourni une marchandise, c'est exact, vous serez payé. Par qui ? Par qui ? » éclata-t-il, frémissant. Elle eut un geste de reine, un geste d'un mépris foudroyant. « Par qui ? » jeta-t-elle du bout des lèvres. « Par le milliardaire Jean Robin ? Par mon amant ? Il est habitué aux royales aumônes. Ramassez, monsieur le comte. » L'outrage était sanglant, blême, la bouche tordue par une insulte ignoble. Le comte se rua, la main levée, la tête haute, le buste superbe, grandi, fulgurante. Adrienne brava le choc. Leurs yeux se croisèrent. Ce fut une seconde tragique. Et la comtesse triompha, sans un geste, sans un mot. La flamme de son regard lui fit une étincelante barrière. Éblouie, courbé, vaincu, Rouget de Charmeuse recula. Sa main retomba, inerte. Alors elle sortit, lente et majestueuse, le sein tumultueux, mais l'âme sereine, apaisée par sa victoire. Haletant, le mari la regarda s'éloigner, puis s'effondra, frappé de vertige, dans un fauteuil. Un accès de rage le remit sur pied. De ses deux mains crispées, il empoigna une potiche sur la cheminée et la lança contre le mur à toute volée. L'artistique porcelaine s'émietta sur le parquet et la détente nerveuse se produisit chez le comte. Calmé, un peu honteux de cet emportement qui détruisait la correcte harmonie de son attitude d'impeccable gentleman, il sonda Bonner d'un vague coup d'œil. Lourd et massif, le banquier s'épongeait, déchiquetait son mouchoir, allait et venait à petits pas précipités. « Quelle histoire » grommelait-il. « En voilà un grabuge !» Et, se plantant devant Rouget, les yeux hors de la tête, « Il n'y a pas à dire, » lâcha-t-il en se débondant, « avec ces noms de dieux de femelles, on n'a jamais le dernier mot. Ça allait si bien, j'étais si tranquille !» Un hiver qui rendait s'en était renversant. Et patatras, tout est foutu par terre. Quelle sale histoire! Non, il n'y a pas moyen de vivre en paix. Ah ça, dites donc, j'espère bien que vous allez m'arranger ça, et vivement. Vous êtes le mari, le maître. De la poigne, sacre bleu, de la poigne! Je sais bien ce que je ferai à votre place. Et que feriez-vous, voyons? Interrogea froidement le comte. Le banquier fit un tour de cabinet en fourrageant furieusement du pied, marmonnant des injures contre sa fille, puis, s'arrêtant net et martelant sa table de sa grosse patte, il hurla « Ce que je ferai, je lui casserai la gueule, nom de Dieu !» Et tout aussitôt, dans sa haine des femmes, il ajouta « Ça les dresse, il n'y a que ça !» Le comte haussa les épaules et esquissa une grimace de dégoût. Tout de même, ce père lui paraissait immonde. Et la grossièreté de la langue de Bonheur déchaînée l'exaspérait. « C'est de votre faute aussi, reprit le banquier. Comment, depuis des années et des années, jeune, beau garçon, brillant comme vous êtes, vous n'êtes pas arrivé à conquérir votre femme ? On n'a pas idée. » « Ah ! Interrompit le comte. Épargnons-nous les récriminations, n'est-ce pas ? Sur ce terrain, j'aurais trop à dire. Vous avez prononcé tout à l'heure le mot juste « Je suis le mari. Je saurai faire valoir mes droits, tous mes droits. » « Bon, ça vous regarde après tout, » fit Bonheur, subitement douché et dégrisé. « Vous sortez, » ajouta-t-il en voyant Roger se diriger vers la porte, « sans me dire vos intentions. » Le comte de Charmeuse parut réfléchir un instant, puis se tournant à demi vers son beau-père, il lui jeta froidement ce mot. « C'est bien simple, mon cher, je vais jouer mon va-tout. »